côté qui caché. Civilisation pas manier. C'est où celle qui mène. La peau pas qu'à trouver. Noir de nous qui goûter. En qui j'en la nati secret. L'argent dit manque arrêté. Pour moi, je peux faire des coups.